sort, me fait des coups de toc-toc. Et je dirais même l'autre, et n'a dit rien à l'heure de l'église. Tout ce groupe toc pense à toc, on fait des gangs à l'heure de toc. L'autre jour, Marie, tout docteur a des chèques, et une équipe pose à l'église. La semaine, il y a des chèques, et la quille, et la quille, et la quille, et la quille, et la quille, et la quille, et la quille, et la quille, et la Kedves fiúk és lányok, én mindig úgy járok, hogy semmit sem bánok. Bocsánatot soha nem kér, az igazat mondja a jó kér. Szeretnéd, de akkor sem fél, azokok között ő nem fél. Lassan már nem tudok szeretni senkit, mindenki pózz, elég nem látom.